Il y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Bonjour à tous, c'est Dominique Grandfils, ravi de vous retrouver sur British Connection pour vous présenter la réédition de mon livre consacré à Paul McCartney et son groupe Wings, disponible sur Amazon. L'histoire commence en 1970 avec l'enregistrement de l'album Ram, avec déjà pour Paul l'idée de reformer un groupe. Elle s'achève en avril 1981, quelques mois après l'assassinat de John Lennon. Je vous propose d'écouter un premier titre de Wings, Big Barn Bed, extrait de Red Rose Speedway. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Avec Wings, Paul McCartney va retrouver la scène avec un grand plaisir car les Beatles avaient cessé les concerts en 1966. Wings va obtenir un succès considérable avec une tournée triomphale en 1976 qui passera par Paris et les États-Unis. Écoutons le titre Jet, issu de l'album Bad on the Run sur British Connection. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Le livre Paul McCartney, Les années Wings, retrace ces fameuses années 70 qui ont suivi la séparation des Beatles avec cet espoir d'une reformation impossible. Le livre est disponible sur Amazon en format papier et numérique à un prix très abordable. On se quitte avec Getting Closer qui figure sur Back to the Egg, dernier album de Wings. A très bientôt sur British Connection. What did you do when you made the deputy sheriff? Well, we were after a man who was apparently had been doing something pretty desperate. Say you don't love him, my salamander. Why do you need him? Oh no, don't answer. Oh no, I'm getting closer. Vous aimez le rock pygmé, les rythmes entraînants venus de la savane. Alors, rejoignez-nous sur British Connection. C'est le dernier Aston Villa et le titre Éléphant. Et puis Radio Belgrade était la semaine dernière album de la semaine dans British Connection avec leur nouvel album L'Ultime Empire. Voici le titre Dans mon intérieur. Je me sens pris au piège comme des mots. président de la République, je prendrai le petit bonhomme en mousse pour nouvelle hymne nationale. Moi, président de la République, je rendrai le port obligatoire des Santiago et Perfecto à mes ministres. Moi, président de la République, j'instaurerai 5 jours fériés par semaine pour aller au concert, pogoter et s'éclater entre potes. Enfin, moi, président de la République, je rendrai l'apprentissage du rock obligatoire dès la maternelle avec 20 heures de British Connection par semaine. British Connection. La seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Écoutez une seule fois British Connection et il y a toutes les chances que vous ne vouliez plus rien écouter d'autre. Philippe, je sais où tu te caches. Troisième partie et fin de cet album de la semaine, Babel T7 Exhibition. Retrouvez toutes leurs infos sur leur page Facebook. Dernier extrait de l'album live de Babel T7 Exhibition, c'est Don't Play With Me, sélectionné par Philippe encore une fois. C'est le premier morceau du futur album Léviathan sur lequel j'ai commencé à travailler en 2009. Il a été enregistré au club à Paris en janvier 2011. C'était la soirée de lancement de la compilation Straight Line Records Movement 1 Volume 3. Les autres groupes présents, c'était Hall 21, un groupe de Rennes, et The Names, un groupe belge sorti sur Factory Records et produit par Martin Annette. Je voulais préciser aussi que cet album live sera suivi d'un autre album live très prochainement, qui s'appellera Live Anthology 2007-2023. Merci à Philippe, merci aux auditeurs, et longue vie à British Connection.